Pétasse. Léo dans le château. J'ai tout ce qu'il faut dans le chapeau. Les autres chapeaux. MMS, Léo. Dab comme Rich. Si, si, c'est ma faire black comme Mitch. Shenzhen, trouve-moi à Dakar, défracté, bombarde sur la corniche. Cognac sous la lune. Tous les jours, je m'allume. Enzo, ça tire. Si c'est pas pour des thunes, négro, je te dirais salut. J'attends la fin des temps sans aucun stress, je pense mon cas. Négro, toi t'es dépassé, on t'a perdu de vue, on sait plus où t'es comme galère. J'arrive faya comme un enfant soldat au champ. Poussi négro, j'ai vu ton flow, en soldat au champ. Rejoins la sec, fais ta cotisation. J'espère que t'as ton autorisation. Comme tu es flow, attaque du ciel. Négro, aérienne, vaporisation. Faut ta médaille, je la fédération. Temporelle, accélération. Fin des temps, génération. RAF passé sur génération. La LDO dans le château. J'ai tout ce qu'il faut dans le chapeau. Négro, je vais arriver au rang de chapeau. J'ai la recette pour faire le gâteau. Avec mes pirates dans le bateau. Négro, je vois la fin de carrière de bateau. Non, non. La LDO dans le château. J'ai tout ce qu'il faut dans le chapeau. Négro, je vais arriver au rang de chapeau. J'ai la recette pour faire le gâteau. Avec mes pirates dans le bateau. Négro, je vais pas la fin de carrière de bateau. J'ai cru que j'étais Lichard. En fait, j'étais Fonce. Je laquais. À propos de l'out. Avec le squad. Un soir, bon, se ronce. Paquet. Sans aucun stress, on les surpasse. Chill dans les profondeurs pendant que tu luttes pour rester à la surface. Shenzhen, mets des tacs propres dans la surface. Gader. Je remercie Dieu pour chaque jour du calendrier. Pour paradis, j'irai pas sans griffe. Ma CDM, c'est pour remplir 4 cendriers. Équipe. 667, 4 étoiles au-dessus comme Bayer. Négro, je veux une banque pour chacun de mes fils comme Mayer. S au château noir. Shenzhen, le jeune chapeau noir. Pirate à peau noire. Drapeau noir, négro dans le bateau noir. Équipe. Je regarde ces foufous et je les méprise. Sur la prod comme Donnie Yen, négro, technique de Kung Fu, je les maîtrise. Équipe, la LDO dans le château. Équipe, j'ai tout ce qu'il faut dans le chapeau. Négro, je vais arriver au rang de chapeau. J'ai la recette pour faire le gâteau. Avec mes pirates dans le bateau. Négro, je vois la fin de carrière de bateau. La LDO dans le château. J'ai tout ce qu'il faut dans le chapeau. Négro, je vais arriver au rang de chapeau. La recette pour faire le